Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021 en enregistrement car nous ne sommes pas en direct. En effet, exceptionnellement, cette émission est enregistrée en amont pour tout vous dire car on ne vous cache rien ici à Radio Gemozo. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes la veille du jour de diffusion, le lundi 8 novembre 2021 et il est 16h07. Voilà. Donc, bien sûr, c'est seulement pour aujourd'hui. Dans les jours à venir, je reprendrai les directs comme habituellement. Donc vous êtes dans Fréquence Libre, c'est Chris. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Christian Thiriot et Raymond Rossi du RSE, FC Section Féminine. Car aujourd'hui, nous allons parler de foot féminin. Foot féminin qui est encore aujourd'hui beaucoup moins mis en avant que le foot masculin. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, nickel, ouais, nickel, bien. Parfait. Donc, nos auditeurs et auditrices se sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle? Christian Thiriot, donc actuellement responsable de la section féminine du Remiremont Saint-Étienne Football Club, plus particulièrement en charge des U15, de la catégorie U15. Voilà, c'est l'aboutissement d'un long parcours qui a commencé il y a 60 ans. D'accord. En tant que joueur ou éducateur. Voilà. D'accord. J'ai signé cette année ma 60e licence de foot à la Fédération française de foot. D'accord. Vous étiez déjà à Saint-Étienne à l'époque? Quand j'ai commencé, j'étais dans la région parisienne. Je suis à Saint-Étienne depuis 2000. D'accord. Donc, bonjour, moi c'est Rossi Raymond. Donc, je suis actuellement éducateur aux catégories seniors. Je m'occupe aussi du U18, parce qu'on est deux éducateurs. Il y a Daniel Ferreira aussi. Donc on s'arrange à deux au niveau des entraînements. Et Daniel s'occupe des 18 et moi des seniors. Donc moi, je suis arrivé... Je ne suis pas originaire des Vosges. Je suis du pays de Montbéliard, dans le Doubs, du côté de Sochaux. D'accord. Donc je suis arrivé en 2000 dans les Vosges. Et Christian était mon entraîneur quand je jouais. Donc voilà, et sur la suite logique, j'ai entraîné les jeunes et on a fondé, il y a 4-5 ans, l'idée nous est venue de créer cette section féminine dans le bassin de Remiremont. Voilà. D'accord. Donc, comme vous le dites, avant d'être entraîneur, vous étiez tous les deux joueurs du foot. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, j'allais vous demander quels ont été vos parcours personnels pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, mais du coup, vous avez un petit peu répondu. Vous étiez joueur avant d'être entraîneur, du coup. Et donc, comme annoncé en introduction, vous faites partie du RSE FC, section féminine. Donc, qu'est-ce que le RSE FC? Est-ce que c'est une association, par exemple, ou pas du tout? Oui, bien sûr. C'est un club qui est né il y a 3 ans de la fusion du FC Remiremont et du FC Saint-Étienne. Deux entités, donc, qui ont éprouvé la nécessité de se regrouper. Et ce club, évidemment, fonctionne selon la loi de 1901 en association classique. D'accord. Et donc, quand est-ce que cette association a-t-elle été créée? Donc, le FC Remiremont, je ne pourrais pas le dire, parce que ça remonte très vieux, c'est plus de 100 ans. D'accord. Moi, je n'étais pas là, j'étais plutôt dans... Le centenaire a été fêté il y a quelques années. D'accord. Donc, c'est une très vieille institution locale. Le FC Saint-Étienne, lui, est plus récent, était plus récent, 73. 73. Ouais. Voilà. Et puis, donc, 2018, la fusion des deux clubs pour n'en former qu'un. D'accord. Et donc, qui a été, on va dire, à l'origine de cette fusion? Je crois que c'est une... C'est un ensemble d'éducateurs. Oui, c'est ça. Plutôt voilà. Au niveau des éducateurs qu'on a éprouvé le besoin de rassembler les forces plutôt que de les diviser. Mmh. Nous souffrons sur le bassin, comme un peu partout, notamment dans les Vosges, d'un faible renouvellement démographique. Et donc, plutôt voilà, que de se faire la guerre bêtement et de se concurrencer, il a semblé plus logique et plus intelligent de regrouper les forces pour ne former qu'un seul club sur le secteur. Voilà, et puis on s'est aperçu qu'une année, il y a des joueurs qui jouaient à Saint-Étienne. Quand ça se passait un peu mal, ça repartait à Remiremont. Quand ça revenait à Saint-Étienne, voilà, on s'est dit, autant faire... Parce qu'en fait, c'est tout un travail. Hein. Chaque année, c'est un travail, c'est un redémarrage. Alors, ça marche 2 ans, puis quand ça ne va plus, on repart à zéro. Donc, tant qu'à faire, autant fusionner et faire qu'un pour avancer, quoi, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, du coup, comme vous dites, faire qu'un pour avancer, donc est-ce que on va dire que vous êtes partisan de l'expression l'union fait la force, entre guillemets? Ah ben, je sais pas si l'union fait la force, mais en tout cas la désunion fait la faiblesse, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Voilà. Si on voulait avancer un petit peu et continuer à proposer des choses intéressantes, notamment aux jeunes du secteur, bon, il fallait regrouper les forces et les moyens matériels et les éducateurs et les licenciés. Mmh. Voilà, la désunion fait la faiblesse. Je ne connaissais pas cette expression, je vais la retenir. Et donc, j'imagine du coup que on va dire, là, on va se baser que sur la réunion des deux, parce que si on parle de avant, voilà, il y aurait des choses à dire, mais on ne serait peut-être pas forcément dans le bon sujet. Donc, cette réunion en 2018, j'imagine qu'elle a été faite par des fans du ballon rond et pour des fans du ballon rond. Donc, qu'est-ce qui vous plaît à titre personnel dans ce sport qu'est le football? Alors, j'ai toujours l'envie de dire que c'est un ensemble. Je considère que le foot, c'est d'abord un jeu, voilà, où on prend du plaisir à être sur un espace avec d'autres. C'est un sport qui développe des qualités athlétiques, techniques, mentales, psychologiques. Et puis, c'est aussi, troisièmement, et c'est pour nous très important, un moyen d'éducation. Puisque dans cette structure, les jeunes viennent, suivent des règles, obéissent à des principes. Et donc, on essaie de faire un petit peu plus que du foot, strictement parlant. D'accord. Notamment, la fédération a proposé au club de développer donc cette partie éducative dans le cadre de ce qu'elle a appelé un programme éducatif fédéral où on aborde les problèmes de santé, d'environnement, de fair play, de respect, etc. Et donc toute cette dimension-là, pour nous, elle est aussi importante que l'aspect jeu proprement dit, quoi. Mm-hmm. Il n'y a pas que le foot, il y a d'autres activités plus citoyennes, on va dire. Voilà. D'accord. Surtout que, comme vous le dites, le fair play, etc., c'est vraiment une condition sine qua non pour un jeu par équipe, un jeu collectif comme le football. Tout à fait. Respecter ses coéquipiers et respecter son adversaire. C'est ça toute la difficulté. Dans le sport collectif, c'est ça la difficulté. C'est qu'il y a des individualités qu'il faut rassembler, en fait. Mm-hmm. Pas être individualiste, mais être là pour un groupe, pas pour soi. Bien sûr. Voilà. Alors j'ai dit un jeu, un sport, un moyen d'éducation. J'ajouterais même que c'est un art pour moi. Quand on regarde certaines figures, certaines actions qui sont composées, on confine à l'art. Alors, je sais bien que parfois, quand je dis ça, notamment, j'ai fait des formations d'instituteurs, d'institutrices surtout, puisque c'est très féminisé comme métier. Elles sont un peu dubitatives quand je leur dis ça. Mais on finit par les convaincre parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont esthétiquement très belles. Bien sûr, tout à fait. Comme les mouvements techniques, comme par exemple le Tour du Monde, par exemple. Oui. Voilà. Et donc, j'imagine, du coup, comme dans tous les clubs de sport, il y a des entraînements. Donc, quand et où ont lieu les entraînements des joueuses? Alors, je vais d'abord laisser la parole. On va partir des grandes. Vas-y, Raymond. Donc, nous, pour les grandes, donc les entraînements, c'est le mercredi et le vendredi. Donc, mercredi soir, c'est les mêmes horaires. Le mercredi et le vendredi de 19h15 jusqu'à 21h maximum. D'accord. Et les matchs se jouent le samedi après-midi, puisqu'on est en foot réduit, on joue en foot à 8. D'accord. Voilà. Alors, après les seniors U18, il y a les U15. Mmh. Alors U, ça veut dire, c'est une terminologie européenne qui veut dire moins 2, under, voilà. Moins de 15. Elle s'entraîne le mercredi et le vendredi. Mercredi 17h45, 19h30 et le vendredi sur les mêmes horaires. Ensuite, les U13, moins de 13 ans, qui s'entraînent le mercredi à 15h30 et le vendredi à 17h45. Et c'est deux équipes, trois, puisqu'en U10, en U13, on a deux équipes, jouent le samedi après-midi, des matchs de compétition, de championnat. Ensuite, on a les plus petits, l'école de foot, proprement dite, les U10 qui s'entraînent le mercredi à 14h et qui ont des plateaux le samedi matin. Et enfin, les toutes petites, et quand je dis toutes petites, c'est vraiment vrai, puisque On a créé cette année une section baby-foot qui accueille des non-licenciés, parce qu'on ne peut pas licencier avant 6 ans. D'accord. 5 ans. Et donc, on a des filles de 4-5 ans, genre cette année, qui s'entraînent le mercredi matin avec les U8. D'accord. À 10 heures. D'accord. Voilà. Donc, comme vous venez de le dire, Raymond... J'ai dû oublier les U18, non ? Je sais plus si... Non, tu l'as dit. Tu l'as dit ? Oui. Okay. C'est le même, on s'entraîne ensemble avec les seniors. D'accord. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, Raymond, c'est du foot à 8. Mais est-ce que, par exemple, il y a des règles qui diffèrent entre le foot à 8 et le foot à 11, ou est-ce que les règles sont les mêmes, exactement les mêmes ? Le foot réduit, bon, voilà, c'est sur une moitié de terrain à 11. D'accord. Donc voilà, c'est pour des équipes comme nous, pour l'instant, on n'a pas les capacités. J'ai 15 licenciés actuellement seniors, ouais, en 18, hein, on est 12-13. Le problème, c'est que chez les filles, mon équipe est en majorité des mamans, donc pour pouvoir partir des fois à 8, c'est compliqué. D'accord. Donc voilà, si on veut, le but c'est de passer à 11, mais pour passer à 11, il nous faudrait une vingtaine de joueuses, quoi, en fait. Ah oui. Voilà, c'est ça qui est assez. Voilà pourquoi on joue à 8. Hein. Sinon, c'est vrai que le mieux, le foot à 11 sur grand terrain, c'est mieux. D'accord. Le foot réduit, c'est plutôt pour des jusqu'à catégorie U13. C'est là où c'est bien parce que le gabarit est plus petit, donc. On a l'impression que les terrains sont plus grands. Quand on joue chez des grands ou des catégories plus grandes, on a l'impression que c'est du foot, mais pas comme on voudrait, quoi, en fait. Voilà, le mieux, c'est de passer à 11. Et pour ça, il faut une vingtaine de joueuses, quoi. Ah oui, voilà. D'accord, je comprends. Mais donc, du coup, justement, pourquoi avoir eu envie de créer une section féminine ? Bah, Raymond, c'est toi qui as ressenti ce besoin-là au départ. Moi, j'ai pris. J'avais vu des clubs un peu autour. Ça commence un petit peu à parler du foot féminin. Et puis pour un club, j'estime qu'un club, il doit se diversifier un peu. Donc voilà, l'idée, voilà, la suite logique avec les garçons, c'était de créer cette section féminine dont il n'y avait pas sur le secteur de Remiremont, parce que des clubs aux alentours, il y avait des équipes féminines, mais c'est beaucoup de filles de Remiremont, en fait. Je me dis, mais pourquoi elles partent là-bas et pourquoi pas nous ? Donc, j'ai lancé, c'était simple, hein. J'ai demandé à ma fille de me trouver une dizaine de jus de filles, en sachant qu'il m'en fallait 5 à peu près pour commencer, et puis ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, on a évolué, et puis voilà quoi. Donc, actuellement, on est 70 licenciés. 70 licenciés. D'accord. Voilà, donc voilà, avec toutes les catégories, on représente, on a toutes les catégories que peut avoir un club de foot, quoi, de U7, de baby foot, de U6 jusqu'à senior. D'accord. Surtout que maintenant, de nos jours, le foot féminin se démocratise de plus en plus. Oui. Ça se développe, mais ça ne s'est pas développé comme on l'aurait souhaité. D'accord. On avait le district à l'époque de la Coupe du Monde 2018, c'est ça ? Avait lancé plein de choses pour développer le foot féminin. Mais ça n'a pas fait l'effet escompté quand même. Il n'y a pas eu une explosion de joueuses quand même. Bon, peut-être du fait qu'elles sont sorties en quart de finale, mais, mais bon, il y a eu un petit plus, mais pas comme on l'espérait, quoi. Bien sûr. Il y a eu un essor important donc dans les années 2010, quoi. Et puis effectivement, alors qu'on croyait que la dynamique allait se poursuivre, on s'aperçoit que les effectifs stagnent un petit peu. Mais je pense là que la pandémie a fait beaucoup de mal quand même, plus chez les filles que chez les garçons. D'accord. Hein, puisqu'il n'y avait pas de tradition et de culture foot chez les filles encore, comme on peut l'avoir chez les garçons. Donc l'arrêt des compétitions, voire des entraînements, à certains moments, a fait pas mal de mal à l'essor du foot féminin. D'accord. Bon, ceci dit, nous, on a continué à progresser. Pas autant qu'on l'espérait et qu'on pensait, mais nos effectifs augmentent d'année en année. Donc ça, de ce point de vue-là, nous, c'est une satisfaction. C'est une bonne chose. Oui. Oui, et puis il y a aussi l'effet passe sanitaire. Hein. Moi, j'ai des filles qui sont parvenues parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Hein. Oui, bien et sûr. Et qui n'ont pas envie de se vacciner. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. Voilà. Ah oui, donc la Coupe du Monde de foot féminin, c'était déjà en 2018 ? 2018, ouais. Wow, moi, je pensais que c'était déjà l'année dernière ou il y a deux ans. Non, mais non, pas. Non, c'est. Là, cette année, c'est l'année prochaine. C'est peut-être 2019, peut-être. Ça va être en 2019. 2019 ouais, je crois, je ne sais plus. Bon, enfin, voilà. Mais ouais. D'accord. C'est il y a deux, oui, il y a deux ans, peut-être 2019, bon, à un an près. Mm-hmm. Mais voilà, cette année, ça sera le championnat d'Europe en Angleterre. Oui, oui, en Angleterre, en 2022. Prochaine, en 2022, ouais. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Donc, nous sommes déjà un peu plus d'un quart d'heure d'enregistrement, même à 16 minutes d'émission. Donc, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions le groupe The Doors avec leur morceau Waiting for the Sun. Donc voilà, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici près de 4 minutes quand même. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter The Doors avec leur titre Waiting for the Sun. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Christian Thiriot et de Raymond Rossi du RSEFC section féminine qui sont là pour nous parler du RSEFC section féminine précisément. Ça va toujours ? Ça va, ouais, oui. Parfait. Donc c'est vous qui avez choisi cette musique, que j'aime bien poser cette question après une pause musicale. Pourquoi ce choix ? Parce que bon, les Doors, pour moi, c'est un des groupes mythiques du rock. Hein, et avec d'autres comme Pink Floyd, ou les Beatles. Et ce morceau-là, notamment, parce que je trouve qu'il est simple et efficace quoi, dans sa structure. Et puis, le titre, Waiting for the Sun, hein, on attend toujours, toujours un peu plus de soleil dans nos vies. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc, depuis le début de cette émission, nous parlons du coup de foot féminin. Mais est-ce que, j'imagine que oui, mais je pose quand même la question, est-ce qu'au RSEFC, il y a également des équipes masculines ? Oui. Pareil, dans toutes les catégories aussi. Ouais. Donc ça va des débutants jusqu'au seniors. Pareil, ok. Et donc c'est pas vous qui vous occupez de cette équipe ? Non, nous on est à part. On est à part, mais on suit quand même. Hein. C'est pas. Voilà. Le foot féminin, si vous voulez, la politique du foot féminin, c'est pas tout à fait la même que chez les garçons. Hein. Le monde n'est pas la même, hein, puisqu'on démarre. Notre politique, c'est pas pour l'instant, c'est pas jouer au plus haut niveau. Pour l'instant, on travaille par étapes. Donc, on a commencé avec une ou deux équipes. Le but, c'était de créer toutes les équipes, essayer de créer toutes les équipes. Et là, on est sur une phase de consolider toutes les équipes. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, ma question, on va dire, elle tombe sous le sens, mais je vais quand même la poser. Qu'est-ce que signifie cet acronyme de RSEFC ? Bah, tout simplement, Remiremont Saint-Etienne Football Club. Voilà. Un club né de la fusion de Remiremont et Saint-Etienne, ça a donné Remiremont Saint-Etienne Football Club. Tout simplement, voilà. Et donc, pour prolonger la réponse de Raymond, le club est évidemment masculin d'abord, puis féminin ensuite. Les féminines représentent à peu près un tiers maintenant des effectifs, hein, de l'ensemble du club. D'accord. Et puis, c'est amené à évoluer. Oui, on espère que les deux sections vont se développer. Mais ce pourcentage de 30% environ d'effectifs féminins dans le club est sûrement un des plus hauts dans les Vosges. Peut-être à part Saint-Dié qui est une... Taon aussi, qui, je ne sais pas. Oui, mais par rapport aux garçons, ils ne font pas un tiers, ils ne représentent pas un tiers. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Et donc, on en a un petit, enfin, vous en avez surtout un petit peu parlé tout à l'heure. De quel âge à quel âge les joueuses peuvent-elles intégrer le RSEFC ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ouvert cette année une section baby-foot où des filles qui ne sont pas licenciées parce qu'elles n'ont pas encore l'âge peuvent venir quand même découvrir l'activité lors d'un entraînement hebdomadaire. Entraînement assez ludique à base de coordination, de petits jeux, voilà, où il est question déjà d'activité physique avant de parler de football proprement dit. Bien sûr. C'est sur un temps de 1 heure, je crois. Oui, à peu près une heure. Une petite heure. Il n'y a que 3 quarts d'heure de jeu. Hein. De toute façon, à l'âge là, 3 quarts d'heure, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, j'imagine. Voilà. C'est entrecoupé, c'est voilà, une demi-heure, c'est déjà pas mal quoi. D'accord. Une petite séance découverte de l'activité. C'est juste de la découverte, ouais. Est-ce que justement tous les niveaux sont acceptés ? Autrement dit, est-ce que il peut y avoir des joueuses qui sont débutantes et d'autres qui sont expertes ? Justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la politique chez les filles, c'est que chez les filles, ben moi j'ai des seniors quand j'ai créé l'équipe senior. Bah, la plupart, c'est des débutantes. D'accord. Vous imaginez que, voilà, elles ont tout à apprendre. C'est que moi, il a fallu apprendre toutes les bases. Alors, c'est vrai que le Covid, ça un bien pour, on va dire, un bien pour un mal, puisque pendant toute cette période-là, moi, comme on ne pouvait pas faire de match, pas de contact. Bien sûr. Ben, moi, j'ai basé tous mes entraînements sur du travail technique, en fait. Ce qui a, voilà, tout était basé sur là, sur ça. Ce qui a été bénéfique pour les filles, puisque voilà, j'ai pas mal de filles qui ont évolué techniquement. Et comme je dis toujours, je suis un entraîneur de foot, je suis pas un entraîneur d'athlétisme. Voilà, donc moi, c'était ça le plus important pour moi. Donc là, en plus, cette année, ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a des 18 qui sont montées, qui, elles, ont déjà plusieurs années de foot, qui ont intégré un peu, certaines ont intégré l'équipe, ce qui va amener un peu toute cette partie technique un peu que mes filles n'avaient pas. Mmh. Et j'ai des 2-3 filles qui ont signé et qui ont déjà fait du foot. D'accord. Donc, voilà, ça... C'est pour ça que cette année, on gagne des matchs maintenant. Voyez. On gagne des matchs et on rivalise avec les... En tout cas, dans mon groupe à moi, il y a deux, trois clubs comme Dompère, Mirecourt et Martigny qui sont là dans ce groupe-là depuis des années, qui ont des filles qui jouent pas mal. Et on rivalise maintenant. D'accord. Et on prend plus des raclés, mais... On perd des 2-0, ou match nul, ou voire même on peut dominer le match. Voilà. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Donc j'imagine qu'en tant que coach, c'est une certaine fierté de voir son équipe évoluer à oui, ce point. Oui, c'est, tout à fait. Oui. Et en plus, l'année prochaine, il y a des 18 qui vont passer seniors, qui, elles, voilà, sont encore à un niveau un peu plus au-dessus. Mm-hmm. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est que notre base de départ, c'est les U18. On fait U16, c'est cette génération-là qu'on a formée depuis 4-5 ans, mm-hmm. qui elles sont ailleurs, hein, c'est pas mal, c'est costaud, donc qui vont pouvoir apporter leur expérience au niveau des seniors qui ont 2-3 années de foot. Quoi. D'accord. C'est ça qui est bien. Mais comme je vous ai dit, le Covid m'a permis de travailler beaucoup la technique, en fait, ce qui est important. Hein. C'est bien beau de courir, mais c'est pas faire une passe. Oui, c'est ça sert à rien du tout. Ouais, il n'y a pas de foot, quoi, en fait. Bien c'est sûr. Pas, c'est pas ça. C'est pas intéressant, quoi, en fait. D'accord. L'idée est vraiment bien d'accueillir tout le monde, d'offrir la possibilité à tout le monde, quel que soit son niveau, son degré de pratique, son vécu, d'offrir à chacune le moyen de s'exprimer et de s'épanouir dans l'activité. Hein. Alors évidemment, on le fera d'autant mieux qu'on aura des effectifs larges. Si je reprends par exemple l'exemple des seniors, l'idéal, ce serait d'avoir une équipe à 11 de compétition, puis une équipe à 8 de loisirs pour des licenciés qui seraient moins investis, qui auraient moins d'ambition. Mmh. Voilà. Alors, voilà, toujours offrir et des équipes avec l'objectif de compétition et de performance, entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, et puis le loisir pour des licenciés, des filles qui seraient moins exigeantes de ce côté-là. D'accord. Voilà, le but, en fait, c'est de faire un football... c'est de créer un football de masse, comme en Alsace. C'est pour ça qu'il y a du très haut niveau, il y a du très bon niveau en Alsace, et du football loisir. Il y a les deux là-bas. Mais par contre, ils ont un football de masse, ils ont beaucoup de filles, que nous, pour l'instant, dans les Vosges, on n'a pas. Mm-hmm. Hein, si on prend certains... Mis à part Saint-Dié, qui est bien structuré, qui ont réussi... Ils ont fait un très, très bon travail. Hein, qui ont réussi à créer toutes leurs catégories et à évoluer, en fait. Là, ils ont dit que nous, je crois que c'est le seul club qui ont une équipe U15 à 11. Bon, d'accord. C'est une évolution. Hein, ils ont travaillé pour. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ils ont de la masse. Dans leur club, ils ont de la masse et ils ont de l'élite comme du loisir. Comme en senior, ils ont une équipe à 11 qui est en R1. Et ils ont une équipe à... à 8. Ils ont même, non, ils ne sont pas à 11 maintenant. Ils ne sont pas à 11. En R2. En R2, voilà. Mais à la base, ils avaient une équipe R1 à 11 et une équipe à 8 qui jouait à notre niveau, quoi, que nous, on est actuellement. D'accord. Et c'est ça qui est important, c'est de créer ce football de masse dans les Vosges, où des fois, on trouve qu'il y a des... Voilà, je trouve qu'il y a certains clubs qui pensent plutôt à l'élite que d'aller chercher des filles. Les filles, elles sont là, hein, je pense, mais il faut les attirer et former. Bien sûr. Voilà. Je dis toujours, si, Si je dois rouler en Ferrari, c'est parce que j'ai les moyens. Si je n'ai pas les moyens, ben, nous, on n'a pas les moyens de rouler en Ferrari, mais on va chercher à évoluer. Voilà, on va chercher la masse. Et comme je vous ai dit, nous, c'est de pérenniser ces équipes avant d'aller chercher l'élite. Parce que si vous voulez jouer en élite, il faut du répondant derrière. Bien sûr. Si vous n'avez pas de répondant, vous allez jouer 2-3 ans en élite. Puis après, au bout d'un moment, il y a une génération, ben, ça va tomber comme beaucoup de clubs le font. Hein. Alors c'est sûr que ouais, c'est bien, une année tu vas jouer en plus haut niveau, mais après derrière tu n'as rien pour suivre. Donc forcément à un moment donné tu retombes au plus bas niveau. Quoi. Bien bah, sûr. Ça sert à rien, le but c'est pas ça. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mais donc justement quand vous dites jouer en R1, R2, qu'est-ce que signifie ce R? C'est régional? C'est régional 1, c'est le plus haut niveau régional. D'accord. Voilà. Donc c'est des filles qui opèrent donc au plus haut niveau. Quand on dit régional, c'est le Grand Est. Hein, Grand Est, ouais. D'accord. Niveau Grand Est, et puis ce n'est plus Lorrain simplement, c'est Grand Est. Donc avec des filles qui se déplacent bon, principalement en Alsace, mais aussi en Champagne, ouais. Éventuellement. Hein. Donc là, c'est déjà un football qui requiert des moyens, hein, et humains, et matériels, et financiers. Hein. Mm-hmm. Juste pour alors c'est pas pour dénigrer les clubs hein, mais voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure que, là en R1 on a deux équipes vosgiennes qui est Épinal et Saint-Dié qui jouent en R1 mais voilà c'est ce que je disais la plupart des clubs c'est des clubs alsaciens mm-hmm. mis à part la SNL qui encute leur équipe première qui est redescendue du club de D2 parce que c'était une volonté de Nancy de sacrifier l'équipe des filles à cause des moyens financiers. Mais la plupart, c'est des équipes alsaciennes. Mais voilà, nos équipes vosgiennes, elles sont... Ben, Épinal est dernier et Saint-Dié est avant-dernière. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que tant qu'on n'aura pas un football de masse dans les Vosges, ben, ça sera compliqué d'évoluer à un bon... voilà, avant de vouloir jouer la R1, il faut amener du monde dans nos clubs, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà. Et former et dégager. Et pour l'instant... on est un peu en retard par rapport à certains départements, du moins la région l'Alsace, par rapport à l'Alsace, par rapport à la Moselle, voire Meurthe-et-Moselle, qui eux ont beaucoup de filles quoi, en fait, mm-hmm. dans leur club. D'accord. Parce que dans le monde du foot, j'imagine, il y a trois grands niveaux, il y a départemental, régional, national. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui, ça, oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. Quoi, là, ils ont fait à 11, au foot à 11 féminin. Je pense qu'il y avait deux niveaux. Mais non, en fait, il y a deux niveaux régionaux, R1, R2. Et mm-hmm. il y a aussi un niveau interdistrict. Mm. Ce qu'on appelle interdistrict, c'est comme là, chez nous, c'est Vosges et Meurthe-et-Moselle. Ouais. Voilà. Géré par le district de Meurthe-et-Moselle. Interdépartemental, en fait. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. Ok. Donc, nous sommes déjà, je regarde l'enregistrement, nous sommes déjà à 33 minutes d'émission. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous lancer directement dans une prochaine fréquence musicale que vous avez choisie à nouveau. Cette fois, c'est vous, Raymond, qui l'avez choisi, ouais, ça, il ouais. me semble. Donc, c'est Van Halen avec leur titre Jump. Mmh. Voilà, donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 4 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo après Van Halen. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous n'êtes toujours pas en direct, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Suisse ou encore l'Allemagne ou pourquoi pas la Belgique. Vous venez d'écouter Van Halen avec leur titre Jump et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Christian Thiriot et de Raymond Rossi du RSEFC, section féminine, qui sont là pour nous parler du RSEFC et de l'histoire du RSEFC, plus précisément de la section féminine. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Très bien, ouais. Nickel. Oui, très bien. Parfait. Donc justement, Raymond, vu que c'est vous qui avez choisi cette chanson, pourquoi ce choix de Van Halen ? Parce que voilà, je suis un fan de de Marseille. C'était aussi pour rendre un peu là. Ça a été, je pense que Marseille, ça a été les premiers à gagner la Champions League. J'étais jeune, donc voilà, c'est un club que j'aime bien et que j'aimerais toujours, en fait. Voilà. C'est un club du Sud, en fait. Je suis, comme je suis d'origine du Sud, donc voilà. Un petit hommage. Voilà, c'est un hommage, voilà, un peu à ça. D'accord. Voilà. Est-ce que, justement, on va prendre le cours de cette émission, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Du coup, est-ce qu'une des joueuses vous a déjà dit « j'intègre le RSEFC pour faire mes premiers pas dans le foot, dans l'espoir d'intégrer l'équipe nationale et de jouer avec Wendy Renard ou encore Eugénie Le Sommer ?» Non, je ne pense pas qu'on puisse arriver comme ça et débuter avec cette ambition déclarée. On peut, ça peut, bien sûr, on se nourrit de rêves, hein, bien sûr. Bien sûr. Bon, maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose qui est loin, hein, loin des préoccupations de nos joueuses. Même si, évidemment, on ne s'interdit pas d'accompagner quelqu'un qui aurait des qualités très, très fortes, très intéressantes. Dans le club, il y a eu, alors que la section féminine n'existait pas, une fille qui était licenciée à Saint-Étienne et à Remiremont, et à Remiremont dans les deux clubs, et qui a maintenant un cursus professionnel. D'accord. Hein, puisqu'elle a intégré à 15 ans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, qui est quand même le meilleur club européen depuis des années, et qui, depuis cette année, joue à Grenoble en division 2 professionnelle. Voilà. D'accord. Et qui était en quelque sorte notre marraine, la marraine de notre section. Ah oui. On a eu aussi, voilà. Elles ont joué ensemble, parce que je l'avais en équipe U11, garçon. Il y avait Yosra Benadj et Noza Trabelzi qui avaient intégré aussi la S Nancy Lorraine en tant que gardienne. D'accord. Voilà. Donc là aussi, j'imagine que ça représente une certaine fierté aussi pour. Oui. Ça veut dire qu'on a à l'époque, on avait 4 filles, je crois. Hein, oui, dans 3-4 filles qui pratiquaient évidemment avec les garçons. Alors qu'il y en a 2 qui ont intégré un cursus, du moins. La deuxième a fait un an et demi, mais je crois que ça l'a, voilà, le monde professionnel, le haut niveau, ça l'a pas trop plu. D'accord. Et on a aussi Lina Boursas qui joue actuellement à Taron avec les U18 en R1 et qui a dans laquelle elle a commencé, elle a fait ses débuts en débutante jusqu'à 18 ans, hein, et elle a intégré la sélection des Vosges et aussi une sélection Lorraine aussi. Allez, d'accord. Voilà. Donc là, qui est actuellement à Taron et voilà, qui est parti de Saint-Étienne il y a 1 an, 2 ans. Quoi. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qu'on a formé, hein, de base. Voilà. D'accord. Mais justement, si certaines de nos auditrices qui nous écoutent veulent intégrer, par exemple, ce club, du coup, RSEFC sexo féminine, mais qu'elles se disent « bon, je n'ai pas le niveau, je ne vais pas y arriver », qu'est-ce que vous leur direz, qu'est-ce que vous leur diriez ? On leur dira que n'importe quelle fille, lorsqu'elle arrive, elle n'a pas le niveau de toute façon et que ce n'est qu'à force de travail, d'entraînement, de patience, voilà, qu'on progresse et qu'on se découvre finalement, hein, et qu'on voit jusqu'où on peut aller. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les limites de nos potentiels respectifs. Et donc, voilà. Non, il n'y a pas de complexe à avoir. Comme on le disait tout à l'heure, nous, on accueille tout le monde. Certaines ont des facilités, d'autres moins. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça. Et de toute façon, au-delà des qualités de footballeuse, il y a aussi des qualités humaines. Et on peut avoir de très bonnes relations et trouver des terrains d'épanouissement avec des filles qui sont pas forcément très douées, entre guillemets, mais qui prennent plaisir quand même à venir, à pratiquer avec des copines et à progresser. Voilà, c'est une aventure humaine avant tout. Et voilà, on est un club municipal, bon, avec les deux municipalités, le but, c'est d'apprendre à jouer au foot, pas d'apprendre à gagner. Gagner, c'est Gagner, c'est le résultat de quelque chose, en fait. Mm-hmm. C'est un résultat. Mais avant, il faut savoir jouer. Voilà, il faut apprendre, faire une... La technique, ça ne vient pas en claquant des doigts. Hein. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est un travail de tous les jours, quoi, en fait. Bien toutes sûr. Les semaines. Et ça ne vient pas comme ça. Hein. Voilà, moi, des filles, comme je vous ai dit tout à l'heure, des seniors qui commencent, j'ai fait toutes les catégories. Chez les petits, ça commence à 5 ans. On fait de l'initiation pendant 4 ans. Donc, vous imaginez une senior qui débarque, pressée de... Ouais, je veux programmer, mais attends... Faire un contrôle, c'est... Vas-y. Chaque chose en son temps. C'est très compliqué. Hein, voilà, il faut être patient, patiente, on va dire, et prendre son temps, quoi. Voilà. Les choses vont arriver. Bon, c'est sûr que, comme disait Christian, y a des filles ça sera plus facile pour certaines filles que d'autres. Mais nous, on est là. Voilà, moi, je suis là pour apprendre le foot. Je ne suis pas là pour dire, toi, t'es bonne, tu joues. Toi, t'es pas bonne, tu vas... Voilà. Tu vas sur le banc. Voilà, c'est... Tout le monde a le droit à une formation. D'accord. Donc justement, Christian, vous le disiez, même s'il y en a qui ne sont pas forcément doués, entre guillemets, elles prennent plaisir à venir jouer avec des copines. Oui. Donc justement, j'ai vu sur la page Facebook du RSEFC que le 24 octobre dernier, le RSEFC a souhaité l'anniversaire d'une de ses jeunes joueuses, qui s'appelle Ayae, j'espère que je le prononce bien. Mmh. Et sur les deux petites vidéos publiées avec la publication, nous voyons des jeunes joueuses, tout sourire, tout heureuses. Donc diriez-vous que le foot et le RSEFC, ce n'est pas seulement du jeu, mais c'est aussi que le but, c'est aussi d'implanter, de créer une certaine complicité entre les joueuses? Ah oui, on peut dire ça tout complètement. Hein. Nous, effectivement, si ce n'était qu'un exercice technique proprement dit, bon, ce serait pas, moi, j'aurais pas consacré autant d'années de ma vie et de mon temps. Non, c'est avant tout des aventures humaines, des relations humaines qu'on noue avec les filles licenciées, avec les parents. Il y a tout un aspect social qui est fondamental, quoi, dans l'activité sportive, notamment d'un sport collectif. Quoi. Mm-hmm. Voilà, d'autant plus que cette année, il y a des parents qui commencent à intégrer un peu le staff, un peu. Hein. Je parle notamment à un éducateur qui s'appelle Kevin Adry, qui lui, bon, s'occupe des petites, des U10, et aussi qui s'occupe toute la partie communication. D'accord. Voilà, donc ce que vous voyez un peu sur Facebook, c'est lui qui commence un peu. Voilà, moi, j'avais commencé, et lui, il a pris le relais. Il y a des papas ou des mamans qui commencent. Là, j'ai vu, il y a eu un petit stage qui s'est fait là, pendant les vacances. J'y suis passé voir après le travail. Donc voilà, il y avait des mamans. Il n'était pas tout. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce que disait Christian. C'est que tout le monde est concerné. Hein. Il n'y a pas. Oui, la section féminine, ce n'est pas que Raymond, Christian, Daniel, Kevin. C'est tout le monde, en fait. Julien. C'est Julien. Julien aussi, oui, il y a Julien. Et puis les filles, puisque là aussi, le but, c'est de former aussi de jeunes éducatrices. Hein, donc, il y a Livia, qui est une joueuse senior qui participe de plus en plus à l'encadrement de nos jeunes. Et puis, on a intégré récemment une jeune fille, Eva, qui est embauchée en service civique. D'accord. Pour 8 mois, voilà. Et qui donc prend une place de plus en plus importante dans notre encadrement. Voilà, et nous, on va essayer de mettre en place avec nos jeunes, demander à nos jeunes de venir aider sur des catégories en dessous. Voilà, c'est pour aider sur des plateaux. Mais ça va se mettre en place. Donc là, on va commencer à... Voilà, comme je vous ai dit, c'est par étapes. Hein. On ne va pas tout faire d'un coup, parce que c'est lourd, quoi. Mais petit à petit, on va mettre en place des choses... des choses, et voilà, en plus on a plein de projets là, donc ça va se faire petit à petit, quoi. Donc, dans tout ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que nous remarquons que donc le foot, même le RSEFC, c'est pas seulement un travail d'équipe sur le terrain, c'est aussi un travail d'équipe dans les vestiaires. Oui, bien sûr. Mais... puis en amont, puis en chaque amont, semaine. Ouais, bon, nous, on essaie de se réunir régulièrement de façon à faire le point, à être cohérent dans notre manière de procéder, de développer des projets. Non, c'est... Enfin, les gens ne se rendent pas compte, je crois, de tout le temps et de l'investissement que ça demande si on veut faire quelque chose qui a un peu de la gueule, entre guillemets, quoi, qui a un peu de l'allure. Pas seulement... voilà. Faire notre heure ou notre heure et demie de match le samedi, quoi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui va bien au-delà. Et lorsqu'on a compris ça, ben, on a de grosses satisfactions. On a parfois des déceptions parce qu'on n'a pas forcément le retour et la gratitude qu'on pouvait espérer. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a avec qui ça se passe très bien, et c'est cela que nous, on privilégie et qui nous donne la pêche, l'énergie pour continuer, quoi. Bien sûr. On ne peut pas avoir un 100% de réussite, mais un 100% de suivi des parents. Ça n'existera jamais. Hein, celui qui me dit « Ouais, nous, ça marche à 100%, c'est pas vrai. » Il y a toujours des gens qui donneront, d'autres un peu et d'autres moins. Voilà, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, ceux qui donnent moins, ben, pourquoi pas de temps en temps leur dire « Ça serait bien quand même. » C'est ça, hein, le but, c'est pas d'en donner plus, qu'ils en fassent plus. Mais une fois de temps en temps, c'est bien ces gens-là qui venir aider, quoi. Mmh. On sait que... Et puis de remercier aussi tous ceux qui sont toujours là tout le temps, quoi, en fait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et quand, par exemple, une joueuse intègre le club, le RSEFC, comment est défini son poste? Comment vous allez savoir si elle va être défenseuse, gardienne, en attaque, etc.? Ben moi, je le vois, c'est quand elle commence... Bon, déjà, je vais mettre en place des ateliers sur la passe, le dribble, la frappe, voir ce qu'il a déjà joué au foot. Il y a différents moyens techniques pour savoir si elle sait faire une passe, elle sait dribbler ou elle sait frapper. C'est là où je vais voir, bon, elle a déjà du foot. D'accord. Ensuite, sur un match, je vais la positionner, je vais la mettre à un poste et je vais voir comment elle va évoluer sur le terrain. Si elle se recentre, si elle a tendance à monter, je vais dire, tiens, c'est quelqu'un qui aime attaquer. Si elle a quelqu'un qui a tendance à reculer, je dis, bon, elle préfère défendre. Bon, mais après, ce n'est pas défini. Mm-hmm. En tout cas, chez moi, j'aime bien que les gens sachent faire deux postes. D'accord. Une personne qui joue derrière, pour moi, elle est capable de jouer un peu milieu de terrain, défensif. D'accord. Comme devant, capable de jouer un petit peu, redescendre un petit peu, quoi, en fait. Il faut que quelqu'un puisse sache jouer deux postes, en fait. D'accord. Et ça se définit selon plusieurs expérimentations. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est au fil du temps. Hein, si on commence dans les petites catégories, à la limite, elle joue à tous les postes. Voilà, et puis, elles se rendent compte des postes dans lesquels elles sont le plus à l'aise. Hein. Parce que des fois, elles se font des illusions. Beaucoup veulent jouer en attaque, marquer des buts, mais bon, on les fait jouer devant, puis elles ne touchent pas un ballon. Alors, on dit, bon, c'est peut-être que si tu jouais un peu plus bas, tu en toucherais plus, tu aurais plus de plaisir à jouer. Et puis voilà, puis on arrive à les convaincre petit à petit de ce que nous, on a perçu de leur qualité. Bien sûr. Donc, nous sommes, il y a déjà 50 minutes d'émission. Donc, avant de poursuivre et de conclure, parce que ça passe quand même assez vite, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale, cette fois-ci que j'ai choisie. C'est une chanson coup de cœur pour ma part. Je trouve donc c'est Egypt Central avec leur titre Oversoon. C'est du rock. C'est une chanson sortie en 2020. Donc voilà, je vous propose de nous lancer dans cette pause musicale et de se retrouver juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Guimozo. This one's for the girl at the back row of the class. No one knows what's wrong with you, but no one ever asks. I know it's hard, you're torn apart just for being yourself every day. I felt the same way. Soon de Egyptian Fall sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Etienne, les Remiremont, de Christian Thiriot et de Raymond Rossi du RSE FC Section Féminine qui sont là du coup pour nous parler depuis bientôt une heure du RSE FC et de l'histoire du RSE FC. Tout est toujours bon pour vous? Oui. Très bien, ouais. Parfait. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cette émission. Quels sont les futurs projets du RSEFC? Alors, on va se partager. Un de nos projets consiste à obtenir un label de niveau or, puisque la fédération distingue les clubs qui ont des structures, un effectif tel que c'est un gage de qualité hein, pour les gens qui viennent de l'extérieur. Nous, on a eu très tôt, hein, puisqu'on n'existe que depuis 5 ans, on a eu très tôt un label bronze qui récompensait notre école de foot féminine. Et puis, il y a 3 ans, on a eu un label argent. Non, 3 ans, 3, 2020. 2020. Ah oui, 2019, 2020. 2020, voilà. Janvier 2020. Et donc, on a l'objectif d'avoir le label or dans un avenir assez proche. D'accord. Voilà, en sachant que le label or... Vas-y. Voilà, un label donc qui concrétiserait la qualité de notre école. Et qui, dans les Vosges, la Belle Or, il n'y a qu'un club qui l'a, c'est Saint-Dié. D'accord. Donc, il n'y en a quasiment pas, même dans le Grand Est, il y en a très peu. Dans le Grand Est, il y en a très peu. Donc, nous, on n'est pas loin, près de l'avoir, donc on va le faire. En fait, c'est c'est pas un objectif en soi, c'est... C'est le résultat d'une... En fait, ça nous motive pour nous continuer un peu de mettre en place faire évoluer notre section féminine. Mmh. Voilà, c'est juste ça, mais le but, c'est pas d'avoir le label or, hein, c'est de continuer à faire vivre cette section sportive et la faire évoluer, en fait. D'accord. Section féminine, pardon. D'accord. Voilà. Donc, il y a ensuite aussi un objectif qu'on a vraiment envie d'avoir, c'est de créer une section sportive féminine. Qui a fait Saint-Dié là, ils l'ont fait il y a cette année, depuis cette année. Voilà, c'est d'habitude des sections sportives pour garçons, et nous on voudrait faire une section sportive, créer une section sportive féminine. C'est pour ça que moi l'année prochaine, je voudrais un peu prendre du recul par rapport à la compétition et de commencer à. Alors, si ça ne sera pas l'année prochaine, mais moi commencer un peu à faire du perfectionnement en fait. Mm-hmm. Si vous voulez commencer à mettre en place quelque chose dans le même style qu'une section sportive, mais en interne au club, ça ne sera pas une section sportive, mais créer du perfectionnement, justement, comme on disait, c'est que des fois il y a des filles qui arrivent en plein milieu de saison qui ne savent pas faire de foot. Le problème que nous on remarque, c'est que le problème, c'est qu'on a des filles qui ont 2-3 ans de foot. Alors les exercices ne sont pas toujours les mêmes, donc moi je voudrais bien leur proposer. À part toutes les catégories, beaucoup de travail technique qu'elle rattrape un peu le retard. Et ça reste dans le cadre d'une section sportive, en fait. Action sportive, c'est ça. C'est du perfectionnement, en fait. Ok. Et c'est une prémisse de section sportive. Voilà. D'accord. D'accord. Et justement, j'en profite pour un futur projet qu'on en parlait au début de cette émission. On va sûrement refaire une prochaine émission un peu plus tard avec quelques joueuses qui viendront. Voilà, justement, ce serait sympa. Ouais. Part de leur expérience, on pourra en discuter bientôt. C'est dans plus ou moins longtemps. On n'a pas fixé de date encore, mais ça se fera, je pense. Ouais, super. Merci. Voilà. On va avoir le ressenti des filles, oui, puisque bien on sûr. Parle nous, on en tant qu'encadrant. Ouais. Voilà. Parmi les projets, je termine. L'idée d'utiliser les vacances scolaires de printemps, notamment maintenant, pour organiser des stages où on parle foot, où on parle éducation, projet programme éducatif. On parle culture aussi, puisque bon, moi, j'ai une autre passion qui est le théâtre. Et il y a 2-3 ans, on avait monté des petites scènes de théâtre avec les filles volontaires, qu'on avait présentées dans le cadre de la journée du foot féminin des Vosges. Et donc là, mon idée est de continuer là-dessus, de mêler les deux dimensions, sportives et culturelles. On a aussi toujours la volonté d'emmener nos filles voir des événements. Bien sûr. On en a amené certaines voir la finale de la Coupe de France à Strasbourg, voir un match de la Coupe du Monde à Reims, notamment avec les Américaines qui sont championnes du monde. Et puis aller sur Nancy ou Metz pour voir des clubs de l'élite féminine nationale. Voilà, en gros. Moi j'aimerais aussi en fait le fait aussi de sortir un peu de la compétition, ça permet aussi de, j'ai envie de créer un peu des vacances à thème en fait, style colo, mais à stage de foot dans un autre département, comme là dans le sud, j'ai la possibilité d'aller du côté d'Argelès, dans un centre. Il y a le stade de foot qui est juste à côté, puisque je connais bien le lieu. Pourquoi pas créer une colonie spéciale foot, quoi, en fait. D'accord. Ah oui, ça a plein de jolis projets. Dans la tête, ça fusionne. Ah bah, il faut. Il y a plein de choses. Ça bouillonne. Ça bouillonne, mais voilà, mais tout seul, c'est pas possible. Hein. J'imagine. Oui. C'est pour ça qu'on recherche du monde. S'il y a des gens qui nous écoutent, s'ils veulent intégrer cette section féminine, il n'y a aucun souci. Hein. On est preneurs. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission. Ouais. Voilà. Justement, si nous voulons retrouver l'actualité du RSE FC Section Féminine, comment pouvons-nous faire ? Il y a un site qui est commun à l'ensemble du club, qui est le rsefc.com. Ouais, c'est ça. Et puis nous, on a donc développé un compte Facebook. Remiremont, Saint-Étienne, section féminine. Il y a RSE. Alors, en fait, à la base, moi qui l'avais créé, il y a un compte qui est RSEFC, section féminine. Et après, on a recréé une page qui n'est pas différente, qu'on puisse avoir des abonnés, qui est Remiremont, Saint-Étienne. En fait, vous pouvez avoir les deux en tapant sur la recherche Facebook. Mais on essaye de fusionner tout ça pour repasser sur une page. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc, on n'arrive pas à le faire. Je sais pas ce qu'il y a un bug. Mais voilà, donc, il y a un compte et une page. Donc, il y a moyen de voir. En général, sur les deux sessions, il y a les mêmes informations. Donc, il n'y a d'accord. pas de souci là-dessus. De toute façon, je mettrai les liens, comme je disais, utiles. Est-ce que aussi, vous m'autorisez à mettre vos deux numéros de téléphone en podcast ? Il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a Daniel aussi. Oui, il y a Daniel, oui. Vous pouvez mettre les trois. Ok, pas de souci. Je mettrai tout ça du coup, en podcast de cette émission, si on veut vous retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ben que nos effectifs continuent de progresser, parce que comme disait Raymond, tant qu'on n'a pas une base suffisamment large, ce sera difficile d'être très pointu dans l'offre qu'on fait à nos licenciés. Voilà. En sachant que l'année prochaine, au niveau des seniors, des filles, c'est sûr qu'on passera à 11. Il n'y a aucun souci. D'accord. Parce qu'il y a 18 qui vont monter, et avec l'effectif que j'ai, on partira sur une vingtaine de filles. Mais on recherche quand même du monde en senior. Hein. Senior et U18, dans toutes les catégories de toute façon. Bien sûr. Voilà. Donc senior, c'est du coup après 18 ans. Voilà. Et si on peut le faire plus tôt, c'est pas plus mal. Parce que, en fait, on fait deux saisons en une, en fait. Fin octobre, en phase automnale, on repartira sur une nouvelle saison l'année prochaine. Et si j'ai... Fin novembre. Pardon ? Fin novembre, t'as dit. Fin novembre, oui. Et au printemps, on repartira sur une nouvelle saison. Si on peut passer à 11 là, on passera à 11 là, il n'y a aucun souci. Hein. Si l'effectif est le suffisant. Ok. Bon, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc, du coup, je vous remercie une nouvelle fois, Christian et Raymond, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera diffusée, du coup, donc demain, mercredi, du coup, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook, mercredi dans la journée, toujours avec tous les liens utiles pour vous retrouver. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Oui. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez la récupérer, la partager, etc. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gameozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons du coup demain mercredi à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux Michael Riquelinck, que j'aurais dû recevoir la semaine dernière, mais suite au fait que mon invité était tombé malade, cette émission a donc été repoussée à demain, donc à mercredi. Donc il sera là pour nous parler de Stone Balance et de tout ce qu'il fait. Donc voilà, merci de votre fidélité à Radio Gameozo et du coup je vous dis à demain. Donc salut. Et à demain.